au croquet et au thé, au parfum de kiwi, au grenier endormi. La demeure de l'enfance, des origines perdues, des racines, des souffrances qui a fui désormais. La rivière nostalgique, le royaume déserté, l'innocence magnifique qui a fui désormais. La demeure de l'enfance, des origines perdues, des racines, des souffrances.